c'était d'évoquer le partage du travail, puisque cette année on est dans les transmissions partage du travail, dans le cadre d'une usine où les femmes sont globalement très très minoritaires. Et puis après d'évoquer au contraire avec Ève le cas d'une usine où les ouvrières sont chez elles complètement. Donc se partage tout le travail et toutes les luttes, en fait, elles sont en première ligne complètement. Donc deux contextes très différents. J'avais parlé d'ouvrières en milieu contrasté sur le carnet de recherche pour annoncer la séance, mais je crois que c'est ça. Et dans le cas de la régie Renault à Billancourt, je m'intéresse à la période qui va de la nationalisation, donc de la création de la régie au sortir de la guerre, jusqu'à la fin des années 60, jusqu'à 68 à peu près. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste ni de la période ni du sujet, mais il se trouve que quand j'ai écrit le livre consacré au travail de mon père à Renault-Billancourt dans l'atelier des forges, l'atelier 62, c'était tout de même une idée que j'avais toujours derrière la tête, qu'il y avait quand même dans cette usine aussi des femmes. Je savais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais je me disais qu'il faudrait quand même y revenir et en savoir un petit peu plus sur elles. Donc voilà, je suis contente d'avoir eu l'occasion, à l'occasion du séminaire, puisque cette année on était dans le partage du travail, je me suis dit, bon, bah, je vais retourner voir la documentation que j'avais utilisée, alors à des fins qui n'étaient pas historiques, qui étaient plutôt littéraires et très personnelles, mais enfin j'avais quand même remué un certain nombre de sources à propos de cette usine. Je vais retourner voir tout ça et puis finalement relever ce qui concerne les femmes. Et puis compléter, évidemment, parce qu'il fallait voir aussi des choses qui concernaient spécifiquement les femmes. L'atelier des forges, il n'y avait pas de femmes. Bon, c'était aux fonderies, il y avait des femmes, mais aux forges, il n'y avait pas de femmes. Donc, j'en avais pas directement rencontré, mais il fallait chercher un petit peu autour pour les voir apparaître. Voilà, donc en fait, ce que je fais, c'est... J'ai un peu satisfait ma curiosité et voilà, et je vous propose de partager les quelques réponses que j'ai pu apporter à cette curiosité en ayant conscience tout à fait des limites de ce que j'ai fait, donc qui est quand même sur une période assez courte parce que j'ai repris la même en gros, du relativement peu de temps que j'y ai passé et du caractère assez impressionniste de la chose à partir de ces sources un petit peu éparpillées. Mais bon, l'idée était de faire apparaître des femmes dans l'usine et bon, on les fait apparaître néanmoins à partir de tout ça. J'ai fait circuler des photos, alors elles sont belles, elles sont trop belles. Enfin, il y en a cinq ou six qui sont trop belles presque. Et puis il y en a une alors que j'aime énormément, le pique-nique des ouvrières sur fond d'Île Seguin. Et puis ça, c'est une photo nature, quoi, une photo spontanée. Par rapport aux autres photos qui viennent des fonds de la photothèque de Renault et qui sont évidemment choisies, sélectionnées, posées, apprêtées, un peu trop bien coiffées, etc. Bon, mais qui ont quand même le mérite de montrer les machines, de montrer un peu l'environnement, la position de travail, etc. Donc, d'illustrer quand même le propos, même si c'est un peu trop esthétique. Voilà. Alors, bon, sur les femmes à Billancourt, en fait, il y a des études qui ont été faites, mais qui concernent la période antérieure. On les connaît surtout pour la période de la Première Guerre mondiale, notamment à partir du travail qui avait été fait par Mathilde Dubesset, Françoise Thébault et Catherine Vincent. C'était leur maîtrise, c'était une maîtrise faite à trois en 1974. C'était vraiment le tout début de l'histoire des femmes. À Paris, donc c'était sur les munitionnettes de la Seine et évidemment l'arrivée en nombre plus important que d'habitude des femmes aux usines Renault pour produire des munitions. Et puis d'un autre côté, il y avait le travail de Delphine Gardet sur les employés de bureau, toujours période antérieure, 1890-1930, hein, la dactylographe et l'expéditionnaire. Donc là, c'était les bureaux et non plus les ouvrières. et ça allait jusqu'en 1930. Et je ne crois pas que j'ai laissé passer de choses. Après, sur la période de l'après-guerre et la période vraiment régie, il n'y a pas d'études d'histoire sur les femmes dans l'usine, sur les ouvrières. Il n'y a pas, par exemple, ce qui a été fait dans le cas de l'usine Berliet à Lyon. Il y avait une maîtrise dirigée par Sylvie Schweitzer sur le travail des femmes chez Berliet, donc des années 50 et années 60, hein, exactement la période qui m'intéresserait. Il n'y a pas l'équivalent pour Billancourt, donc il n'y a pas eu d'exploitation historique sur les femmes là. Je suis donc revenue aux documents que j'avais utilisés, presse syndicale, presse militante, presse d'entreprise. J'ai complété avec les travaux de sociologie concernant soit l'usine directement comme Touraine, mais Touraine, il n'y a rien sur les femmes d'ailleurs, mais enfin, c'est intéressant sur le travail ouvrier évidemment. Et puis surtout en utilisant la thèse de Madeleine Guilbert, donc sur les fonctions des femmes dans l'industrie. Qui a été publiée en 1966, l'enquête ayant été faite un peu avant, 1960-61. L'industrie considérée, c'est la métallurgie, donc on est bien dans le domaine qui nous intéresse. Et parmi les 129 entreprises de la région parisienne dans lesquelles elle a enquêté, il y a de l'automobile, il y a Renault, elle avait déjà travaillé sur Renault auparavant, donc elle a pris un certain nombre d'ateliers. Et son échantillon est mixte, donc elle a étudié des postes de travail masculins et féminins. Elle constitue un échantillon avec 15 000, 14 000 et 15 000 hommes et femmes, 14 601 femmes précisément, 15 871 hommes. Donc, elle observe leur poste de travail. Elle a dans 129 entreprises, donc elle a également mené des entretiens avec la maîtrise. Elle a observé les gens au travail. Elle a recueilli leurs paroles, évidemment. Et tout ça permet d'avoir une étude vraiment très très très précise sur le travail et son partage sur les ateliers d'hommes, les ateliers de femmes, les ateliers mixtes qui sont les plus nombreux. Et c'est très intéressant d'observer effectivement ce qu'on peut voir chez Renault ou même de regarder ses photos en pensant à ce qu'écrit Madeleine Guilbert, puisqu'elle apporte des éléments très très précis et très riche d'enseignements sur le clivage des tâches, sur qu'est-ce qui entre dans ce clivage, qu'est-ce qu'il justifie aux yeux de la maîtrise et des patrons. Et c'est vraiment une source tout à fait essentielle, ce travail de sociologue de 1960. Voilà, alors avec tout ça, donc, ce que je vais faire, je vais donner quelques éléments de mesure absolue et relative de la présence des femmes dans les ateliers à Billancourt. Je vais m'arrêter un tout petit peu sur la période 1946, 45-46, donc ce moment où la régie démarre sous sa forme régie, et il y a des choses intéressantes à dire du côté des femmes à ce moment-là. Ensuite, faire un petit peu un inventaire des postes où on les rencontre dans l'usine et de ce qu'elles y font. Après, évoquer les difficultés, les revendications telles qu'on les voit exprimées dans la presse syndicale notamment. Et puis finir en se demandant s'il y a une forme de féminisme dans ces revendications, au moins à la fin de la période. Voilà, donc je regarde 14h20, donc je me donne jusqu'à 15h05 par là. Et puis si Emmanuel, tu veux bien utiliser un petit créneau entre nous deux pour parler de ton parcours et de ce groupe femmes. Alors, combien de femmes à Billancourt? Mon café avant qu'il soit tout froid. Sur l'ensemble de la période, il y a une grande stabilité. Elles sont toujours, alors, tout personnel confondu, 10 à 11%, avec du côté des ateliers, donc du personnel ouvrier, 8%. et du côté des bureaux, 16%. Donc elles sont relativement deux fois plus nombreuses dans les bureaux que dans les ateliers. Et ces chiffres, vraiment 10%, 8%, 16%, sur toute la période sont stables. Alors évidemment, ça varie en fonction de l'effectif de l'usine, hein. L'usine ayant atteint 38 000, 40 000 travailleurs, donc elles ont pu être autour de 4 000, avec un pic en 1950. Hein, en 1950, elles sont 4 500. Donc à ce moment-là, elles sont 11% et elles se répartissent entre 3 000 ouvrières et 1 500 employés. Et les années suivantes, on sera toujours dans les 3 000, 3 700, 3 500 femmes, avec toujours ce même partage, deux fois plus d'employés que d'ouvrières. Donc on peut avoir 2 500, 3 000 ouvrières et autour de 1 500, 1 200 employés. Alors, en fait, c'est une population minoritaire de l'usine, comme le sont par ailleurs les jeunes. Comme le sont le groupe des immigrés, beaucoup plus nombreux, mais qu'on va voir souvent dans la documentation relative à la gestion du personnel, on va dire les jeunes, les femmes, les immigrés, c'est des catégories comme ça qu'on isole de l'ensemble du personnel ouvrier. Alors les femmes, on ne s'en préoccupe pas pendant très très longtemps. Enfin, on s'en préoccupe en 46 justement, c'est pour ça que je vais y revenir. Et puis après, on s'en préoccupe pas, je pense, jusqu'aux années 70-80, à travers la mise en place de formations spécifiques pour elles. Mais entre-temps, vraiment, il n'y a pas, du point de vue de la gestion du personnel, mis à part évidemment les questions sociales liées au congé de maternité et ce point particulier, en fait, on semble ne pas s'en soucier du tout. Alors que par ailleurs, on s'intéresse aux jeunes. Les jeunes, bon, évidemment, au niveau formation, il y a une école d'apprentissage, mais qui ne concerne que les garçons, une école très importante, hein, qui a formé énormément de futurs techniciens et ingénieurs, même Renault, qui ont démarré là. Bonjour. Mais du côté des femmes, il n'y a pas un souci spécifique de leur côté. Alors, ces chiffres observés à la régie Renault sont tout à fait conformes à ce qui se passe dans l'ensemble des usines automobiles, hein, c'est pas une particularité. Le recensement de 1954 pour l'ensemble du personnel ouvrier des entreprises de construction automobile, c'est 7,3% de femmes dans le personnel, donc 8% de la régie, c'est tout à fait standard. Il y en a plus dans les fabriques d'équipements pour automobiles. Et là, on atteint 30%, c'est beaucoup plus. Et ça donne pour l'ensemble automobile, donc construction automobile et puis équipement automobile, une présence féminine qui est de 16% en 54. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va être très stable parce que en 62, c'est 18%. En 68, c'est encore 17%. Et en 73, c'est 20%. Voilà, c'est de présence dans la construction et équipement automobile. Donc il y a toujours des femmes minoritaires. Ceci dit, comme les emplois, le nombre absolu d'emplois croît dans le secteur pendant cette période, hein, c'est vraiment la pleine période de l'automobile de ces années-là, en nombre d'emplois, ça veut dire une augmentation. Mais en proportion, ça reste très stable. Si on élargit de l'automobile à l'ensemble de la métallurgie, pour les femmes actives hors agriculture, c'est le deuxième secteur d'emploi pour les ouvrières, hein. C'est Donc, quelque chose d'important. Et en 1954, on est toujours à peu près dans les mêmes chiffres, c'est 16% du personnel de la métallurgie. À la même époque, il y a 50% des ouvrières qui sont dans le textile. Hein, c'est ça le premier emploi, le premier secteur d'emploi de la main-d'œuvre féminine ouvrière. Et en deuxième, donc la métallurgie avec 16%. Voilà. Bon, une présence féminine minoritaire, donc, mais stable sur l'ensemble de la période qu'on considère, ça reste relativement la même présence. Voilà. Alors pourquoi je voulais parler un petit peu du moment 1946, donc de ce moment, du moment de la nationalisation et de l'énorme effort de remise en route de la production. C'est parce que entre 45, donc janvier 45, la nationalisation, et puis les grèves de 47, hein, les grandes grèves du printemps et de l'automne 47, il y a un petit moment où il semble qu'on soit bien attentif tout de même au fait qu'il y a des ouvrières et on pense, on se soucie à ce moment-là dans les dispositifs de formation accélérée qu'on met en place parce qu'on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et qu'il ne soit pas que de la main-d'œuvre non qualifiée. On cite le cas des femmes, elles apparaissent à ce moment-là et puis elles vont redisparaître très très vite. Hein. Alors je vous ai justement donné dans les deux textes que j'ai choisis, j'en ai pris un au début de la période, donc un texte de 46 et un texte de 67. Donc c'est un texte qui est extrait de l'Accélérateur, hein, qui est le journal du comité d'entreprise. J'aime bien le titre, l'Accélérateur. C'est le sixième numéro, donc on est en novembre 46, hein, c'est vraiment le démarrage. Et l'éditorial de ce numéro-là est consacré à nos camarades femmes dans la production. Bon, on ne va pas le lire en entier, mais il y a deux choses importantes. Déjà, ça nous fournit une première liste des emplois qu'elles y occupent. Hein. Il est question des bobineuses, des brocheuses, contrôleuses, pontonnières, mécaniciennes, noyauteuses, fraiseuses. On les trouve aussi au montage, au perçage, au polissage, sur les tours, aux presses, à la tôlerie, à la soudure autogène, à la sellerie, au caoutchouc, sur les machines textiles, aux cantines, etc. Où elles déploient leurs qualités de compréhension, de vivacité, de précision, de rapidité manuelle. Alors, regardez bien le mot compréhension, parce que c'est la seule fois où on va trouver vanté la compréhension, où on ne va pas mettre en avant d'abord l'agilité, le soin, etc., toutes les qualités féminines bien connues qu'on a abondamment évoquées pour justifier un certain nombre de tâches confiées aux femmes. Mais là, vraiment, la compréhension, ça fait plaisir de lire ce terme dans cette liste. Et voilà, et la suite, nous constatons que ces qualités sont mises à profit notamment par nos camarades ouvrières travaillant sur les presses à emboutir, où elles déploient une agilité particulière pour obtenir la cadence exigée sans que leurs mains ne s'attardent sous le plateau emboutisseur. Nous pensons qu'à l'heure où se fait sentir dans notre pays la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, nos camarades femmes ne doivent plus limiter leur ambition à rester des manœuvres ou des ouvrières spécialisées, mais si elles en ont les aptitudes et elles les ont, devenir des professionnelles. Voilà. Beaucoup d'entre elles connaissent la pratique de leur métier. Il suffirait d'une rééducation professionnelle accélérée pour en faire de parfaites ouvrières qualifiées dans leur profession. Et donc voilà, là, il y a clairement une incitation à développer une formation professionnelle accélérée au profit des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui ne va plus être évoqué du tout par la suite, avant les années 60. Bon, c'est très lié au fait que c'est une petite période pendant laquelle, on ne va pas parler de cogestion, mais enfin, il y a un climat très homogène et unanime autour de la nécessité de produire et de se remettre en capacité de produire vite dans un contexte qui est encore complètement de pénurie, hein, évidemment. Et on a aussi bien du côté délégué du personnel que du côté de la direction des hommes, ce sont des hommes bien sûr qui ont le même, un peu le même itinéraire, qui sont issus de la résistance, donc qui se retrouvent là et bon, une bonne relation de confiance, on serre les coudes pour essayer d'avancer quoi, voilà, et de remettre sur pied un certain nombre de choses. Et on a bien conscience que, ben, ma foi, les femmes ont leur place là. Et c'est vraiment tout à fait spécifique à ce moment-là et à cet état d'esprit. Alors les grandes grèves de 47, évidemment, après, ça change beaucoup de choses. On a à ce moment-là un ministre du Travail communiste, hein, Croizat, qui ne sera plus là après non plus. Donc il y a tout un ensemble de conditions. Qui font qu'on a une petite période, là, un petit créneau où on est soucieux d'améliorer la formation des femmes puisque elles n'en ont pas, quoi. Elles sont tout en bas de l'échelle, on va y revenir, on va le voir de plus près. Et effectivement, le nœud du problème, c'est la formation. Voilà. Donc cet éditorial, je trouve que c'est un beau texte, quoi, un texte rare. Alors au même moment, on va mettre en place des comités de production qui vont associer des gens du personnel et de la direction, qui vont faire remonter tout un tas de suggestions venant de la base pour améliorer toujours les conditions de travail et de production. Et on répertorie tous les mois toutes les suggestions qui ont été faites par le personnel ouvrier. Et là, on va voir apparaître quelques suggestions féminines. C'est pareil, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Donc on récompense par des primes, etc., les suggestions du personnel et on en voit quelques-unes qui viennent des femmes. Il y a aussi une attention à reconnaître les efforts développés, toujours par le comité d'établissement et au travers du journal L'Accélérateur. Par exemple, en avril 1946, il y a des grandes félicitations accordées aux ouvrières du département du caoutchouc. Donc ça, c'est un département féminin extrêmement dur de la régie, donc où on produit des pneus. Elles ont à ce moment-là, au printemps 46, largement dépassé les 400 pneus par jour. Et on souligne bien que cette augmentation, je cite, est l'œuvre de tout le personnel. Elle n'a pu être réalisée que grâce au travail intensif fourni par les quatre ouvrières de la Spadone. C'est une machine à couper les toiles. Cette machine, en effet, constitue actuellement le goulet dont le débit commande la production de l'ensemble de l'atelier. Les ouvrières de ce poste ont accepté de travailler temporairement à un rythme accéléré afin de permettre à tout l'atelier de pousser la production. Des dispositions ont été prises, d'autres sont à l'étude pour éviter à ces ouvrières une fatigue anormale. Il n'en reste pas moins que pendant 2 ou 3 semaines, elles se sont soumises sans protester à cette fatigue. Une prime leur a été attribuée. Et le CE est heureux d'adresser ses félicitations à tout le personnel du département du caoutchouc et plus particulièrement aux ouvrières qui ont si bien compris leur rôle en multipliant les efforts pour augmenter la production. Voilà. Alors, ce type de déclaration, ben c'est pareil, on ne le retrouvera pas, quoi. C'est aussi typique donc de ce moment 46. Voilà. Bon, alors donc il y a des femmes au caoutchouc, ce département très dur. Alors, elles sont aussi dans d'autres ateliers. Il y a des ateliers où il n'y a que des femmes. Quasiment, donc qu'on dira féminin. Il y a des ateliers mixtes et des ateliers complètement masculins. Je parlais des forges tout à l'heure comme exemple d'ateliers masculins. Ce qui est remarquable, c'est que quand on prend l'usine, et là, ben, vous avez la liste, donc extrait du livre de Madeleine Guilbert, j'ai photocopié le tableau 1, c'est la répartition entre les différents postes de travail de la main-d'œuvre masculine et de la main-d'œuvre féminine travaillant dans les ateliers donc de 129 entreprises de métallurgie de la région parisienne au tout début des années 60. On va retrouver à l'échelle de l'usine de Billancourt, qui est une usine où on fabrique les voitures entièrement, c'est-à-dire qu'on a tout, quoi. On a tous les postes possibles et imaginables. Et quand on regarde ce qu'on trouve dans l'usine et ce qu'elle a pu observer à l'échelle de toute la métallurgie de la région parisienne, on a absolument tous les cas de figure. On rencontre toutes ces activités. Bon, on en rencontre aussi quelques-unes en plus à Billancourt, mais sa liste est tout à fait cohérente avec ce qui se passe là. Elle détermine donc, elle, six postes uniquement masculins qui sont tous des postes qualifiés, hein. Ensuite, une grande liste de 22 postes mixtes qu'on va retrouver donc largement habillés en cours. Et puis, une petite liste de postes uniquement féminins qu'on va aussi retrouver plus ou moins habillés en cours. C'est-à-dire que dans tout ce secteur, dans tout ce travail métallurgique et automobile, bah, la plupart des postes sont mixtes, quoi. Le travail est partagé entre hommes et femmes, avec toutefois du côté des femmes une répartition beaucoup moins homogène que du côté des hommes. C'est-à-dire que dans les postes mixtes, les femmes vont occuper, quand on voit les chiffres qu'elles donnent, hein, c'est très net, il y a quatre postes qui sont plus massivement féminins, le montage, le contrôle, l'usinage et les presses, hein. La dispersion du personnel masculin est beaucoup plus grande. Quand on prend donc la liste qu'on lisait là, en 46 dans l'accélérateur, bobineuse, brocheuse, contrôleuse, pontonnière, mécanicienne, noyauteuse, fraiseuse, on a tout ça, le montage, le perçage, le polissage, les tours, les presses, tôlerie, soudure, sellerie, caoutchouc, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on retrouve là. Alors, ce qu'on aura en plus, donc, habillé en cours, c'est tout ce qui est qui fait partie de la sellerie et qui est lié au textile utilisé dans les sièges de voiture, le garnissage des sièges de voiture. Il y a énormément d'ouvrières qui sont là, c'est vraiment un des ateliers les plus féminins, qui travaillent sur des machines à coudre en particulier. Donc ça, c'est pas de la métallurgie à proprement dit, mais ça se retrouve habillé en cours du fait que ici on fait absolument tout ce qui concerne les voitures. Alors si on reprend en prenant par exemple les postes les postes mixtes les plus féminisés, donc le montage, il y a énormément de choses qui en relèvent habillé en cours. C'est du travail à la chaîne et quand c'est fait dans cette usine, ça concerne par exemple le montage des vitres, le montage des tableaux de bord, le montage des verrous sur les glaces et un certain nombre d'autres pièces comme ça qui sont des montages de choses, d'éléments de relativement petite dimension, hein. C'est pas du montage des plus grosses pièces des voitures, c'est du montage de plus petites choses. Et on trouve dans Renault Magazine en 1957 un article qui concerne ce genre de montage qui est fait en grande partie par les femmes. Ça s'appelle Petits détails de grande série. Je cite un extrait de l'article. À côté des moyens puissants, presse, machine transfert, etc., confectionner un accoudoir, mettre en place les multiples barrettes d'une calandre, cambrer des arceaux de pavillon, placer et serrer une lamelle ressort à l'intérieur d'un bouchon de réservoir sont autant d'opérations parfois simples, parfois complexes, qui ne peuvent être confiées qu'à des mains expertes et agiles. Ainsi, chaque jour, des milliers de personnes de la régie concourent à la fabrication des véhicules en exécutant quantité de petits travaux individuels, soit à l'aide d'une petite machine ou d'un outil mécanique, voire en utilisant une pince ordinaire ou même un marteau. Ce qu'une machine transfert aussi perfectionnée soit-elle ne saurait accomplir qu'au prix de montages coûteux et compliqués. Dans les ateliers, de nombreux travaux minutieux et variés continuent d'être réalisés individuellement. Ça concerne typiquement le travail des ateliers féminins. Et donc l'article est illustré d'un certain nombre de photos. On voit montage d'enjoliveurs de phares par Madame Dussart, montage de tableaux de bord par Madame Tixier, etc. De façon générale, dans la presse d'entreprise, j'ai trouvé que les femmes étaient étaient très représentées, en fait, par rapport à leur nombre effectif dans les ateliers. Quand on feuillette et qu'on regarde sur une longue durée Renault Magazine et les autres bulletins d'information Renault avec des photos, je trouve qu'on y voit beaucoup de femmes. Et bon, ça, c'est ce type de photos, évidemment, hein, qu'on y voit. Mais c'est un travail qui me paraît représenté assez volontiers. Alors, le montage, bon, c'est ce que trouve dans les ateliers mixtes, donc Madeleine Guilbert en premier lieu. Et il faut voir que c'est un travail très peu qualifié, c'est-à-dire que 90% des gens qui font du montage sont des OS. Hein. Donc OS, dans la convention collective de la métallurgie, il y a les manœuvres au plus bas niveau, après il y a les OS et après les OP qui sont les ouvriers qualifiés. Donc le montage, c'est un travail d'OS. Et c'est un travail avec un clivage masculin-féminin qui se fait, alors d'une part par l'importance et le poids, donc les dimensions et le poids des pièces à manipuler, hein, évidemment. Les montages confiés aux femmes ne concernent pas les pièces les plus grandes ni les plus lourdes. Ce sont aussi les montages les plus simples, c'est-à-dire que justement elles n'ont pas de formation, celles qui sont là. Donc ça suppose qu'il n'y ait pas de réglage, qu'il n'y ait pas d'ajustage à faire. Et dans l'enquête de Madame Guilbert, les employeurs se montrent absolument persuadés que les femmes ne seraient pas capables de le faire de toute façon. Donc il faut leur confier les montages qui sont à la fois les plus légers, les plus simples, donc ça veut dire les plus morcelés en termes de morcellement du travail. Les plus manuels, c'est-à-dire des opérations dans lesquelles il y a encore beaucoup à manipuler, et donc les moins automatisées, et puis les plus sédentaires aussi. Donc le montage qui est fait par les hommes, généralement les hommes sont debout, alors que dans le cas du montage fait par les femmes, elles sont généralement assises et à la chaîne. Les tâches de contrôle et de vérification que Madeleine Guilbert met au deuxième rang de ses postes mixtes, alors c'est du contrôle, généralement c'est du contrôle visuel. On va contrôler, les femmes vont contrôler en fin de production de certaines pièces. Elles vérifient leur état, elles vont vérifier des peintures éventuellement, des choses comme ça. Et ce qui est remarquable dans ce travail mixte, encore une fois, il y a un clivage. Madeleine Guilbert observe que quand les femmes le font, si il y a utilisation d'un appareil, ça va être quelque chose de très simple, juste lire une mesure ou voir si un niveau est atteint, dépassé ou pas encore atteint. Mais ce ne sera pas plus compliqué que ça. Et cet appareil, elles n'auront pas à le régler. Par contre, si le même travail, puisqu'on est dans des choses mixtes, hein, est fait par un homme, on va apprendre, on va initier l'homme au réglage de son instrument de mesure. Dans le cas des femmes, ce ne sera pas fait. Donc ce sera toujours, on restera toujours dans les choses les plus simples, qui demandent le moins d'intervention intellectuelle, en fait, et qui sont toujours les moins qualifiées. Alors, encore une fois, s'il y a des hommes et des femmes, dans le contrôle fait par les femmes sera aussi un contrôle sédentaire, donc toujours à sa place, et alors qu'il y a des contrôles volants, dits volants, qui vont être faits par des hommes. Donc se déplacer, etc., ça, c'est jamais le cas des femmes. Et c'est également impensable qu'une femme aille contrôler justement en fin de production le travail d'un homme. Donc ça, c'est absolument impossible. Donc un homme peut venir contrôler le travail au bout d'une chaîne de femmes, mais jamais une femme n'ira contrôler le travail au bout d'une chaîne d'hommes. Donc là encore, clivage, même quand on est dans un travail mixte. Tout ce qui est tâche d'usinage, ben on va retrouver le même genre de clivage. Bon, l'usinage, c'est-à-dire que c'est, on façonne des pièces. Il y a, dans les photos, il y en a une où c'est très clairement ça. Dans celle-ci, là, ça c'est de l'usinage. Donc c'est du façonnage par enlèvement du métal à froid sur des petites, sur des machines qui produisent des copeaux de métal. Ça se fait avec des tours qui sont plus ou moins automatiques. Et alors encore une fois, dans ces cas-là, seuls les hommes règlent les machines s'il y a des réglages à faire. Et d'autre part, Madeleine Guilbert observe que finalement, plus la machine est automatique et moins ça devient intéressant d'avoir des femmes dessus, parce que leur qualité de rapidité très grande, finalement, quand il n'y a plus qu'à surveiller une machine, c'est pas la peine de, c'est pas rentable de confier cette surveillance à une femme. Par contre, elles sont très efficaces sur des machines semi-automatiques qui ont des temps morts, c'est-à-dire que, qu'il faut redémarrer à chaque fois la machine avec une nouvelle pièce, parce que là, elles sont très très rapides et plus rapides que les hommes. Donc la machine est mieux rentabilisée si elle est confiée à une femme. Voilà, il y a des tas de petits clivages comme ça, où toujours on va confier le travail à une femme si on estime qu'elle va être plus rentable, c'est-à-dire plus rapide, en fait. Voilà. Donc s'il y a des problèmes de réalimentation de la machine, etc., on considère qu'une femme ira plus vite, donc on va lui confier ce travail. Et plus la machine va s'alimenter toute seule, être de plus en plus automatique, bah, dans ce cas-là, c'est moins intéressant d'avoir une femme, donc on prendra un homme. Bon. Je vais passer sur les autres postes, mais c'est toujours un peu le même principe. Bon, en résumé, sur ces clivages de tâches précises, le clivage se fait sur l'effort à fournir au niveau de la manipulation des pièces, mais il y a une certaine relativité hein, dans la notion d'effort. Mais c'est certain que c'est un des points du clivage. Après, il y a le niveau de difficulté ou de complexité. Donc, on va toujours donner aux femmes les tâches les plus morcelées et limitées à de l'exécution. Exécution sans préparation, en fait. Hein. Du côté féminin aussi, c'est les tâches les plus répétitives qu'on observe. Les tâches les plus manuelles. Les tâches qui exigent une rapidité importante. Les travaux les plus sédentaires. Et des travaux sans responsabilité, en fait. C'est vraiment de l'exécution. Ce sont des travaux qui se font en position assise, 70%. Des postes. Au niveau des mouvements, c'est extrêmement limité, c'est-à-dire qu'il y a 75% des ouvrières observées qui ne bougent que les doigts, les mains ou les avant-bras, donc des mouvements de faible amplitude, très faible amplitude, c'est le cas notamment dans tout ce qui est bobinage, dont on n'a pas parlé, mais voilà, c'est des tout petits mouvements. Et c'est aussi des travaux dont le rythme est théoriquement libre pour 71%. Donc, ce n'est pas la machine qui commande le rythme. C'est, par exemple, sur des petites presses, ça va être activé par l'ouvrière au niveau d'une pédale. Mais les femmes vont pousser le rythme, en fait. Donc, c'est un rythme libre, mais qui va être poussé à son maximum. Alors c'est encore pire si elles sont payées au rendement, bien évidemment. Mais ce rythme est théoriquement libre, mais en fait il devient aussi contraint qu'un rythme de chaîne ou un rythme imposé par une machine, si ce n'est qu'il est, il est contraint autonome, entre guillemets. Alors ce qui est remarquable, quand le cœur d'une tâche est identique, donc homme ou femme, bah, on observe que tout ce qui est réglage et préparation du travail va être pris en charge par les hommes directement à qui on va apprendre à le faire. et que les hommes vont avoir une sorte de polyvalence que les femmes n'auront jamais. Par exemple, dans le cas des ateliers de soudure, les femmes vont être initiées à une forme de soudure, hein, que ce soit de la soudure à l'étain ou autrement, alors que les hommes vont passer de l'une à l'autre, vont pouvoir passer de l'une à l'autre. Il n'y a pas de polyvalence dans le cas des tâches mixtes confiées à une femme. Et bah, tout ça, ça nous donne des tâches qui sont évidemment les moins qualifiées, donc les moins rémunérées. Et quand elles sont pratiquées, alors c'est intéressant, quand elles sont pratiquées dans des ateliers mixtes par des femmes, les femmes vont être mieux payées pour les mêmes tâches que si elles les pratiquaient dans des ateliers uniquement féminins. Mais inversement pour les hommes, si les hommes font ces mêmes tâches dans des ateliers uniquement masculins, ce sera survalorisé par rapport à leurs tâches et leur niveau de qualification et donc de salaire sera plus bas s'ils le pratiquent dans des ateliers mixtes. Donc il y a comme ça des dépréciations qui se créent et qui font que finalement, du point de vue des employeurs, quand on regarde plusieurs entreprises, comme l'a fait Madeleine Guilbert, les employeurs préfèrent que les femmes restent dans des ateliers féminins, évidemment, puisque elles resteront dans leur plus bas niveau de qualification et de salaire. Alors, bon, je passe rapidement maintenant sur les problèmes de, bon, les difficultés, les revendications, etc., telles qu'on peut les lire, donc des femmes telles qu'on peut les lire dans la presse syndicale et militante. Alors, si on repart du tout début de la période, il y a évidemment des tas de problèmes matériels, mais qui sont assez généraux au niveau de tout ce qui manque comme installation de vestiaires, etc., de douches, mais ça, c'était valable pour les hommes aussi. Donc tout ce qui est lié bon, à cette période où c'était très nettement sous-équipé en vestiaires et en tout ce qui est sanitaire, en fait, hein. Il y a des problèmes qui sont récurrents, généraux, dans tous les ateliers, qui sont les problèmes de chauffage, d'aération, etc., de courant d'air. Ça, c'est des choses qui frappent absolument tous les ateliers. Les pénuries au niveau vêtements de travail, bon, c'est pareil, hein, on réclame des blouses pour les femmes, mais c'est vrai que tous les vêtements de travail, dans ces années d'immédiate après-guerre, tout le monde en réclame. Ça manque partout. Les protections, les coiffures de protection, c'est pareil, elles réclament parce qu'en déplorant de nombreux accidents au cuir chevelu, spécialement chez les ouvrières, bon, tout ça, ce sont des choses qui sont à ce moment-là en pénurie au sortir de la guerre. Bon, les problèmes de pénibilité et de dangerosité. Bon, il y a des accidents, évidemment. À partir du moment où il y a des presses, il y a des accidents de mains et de doigts, hein, ça c'est évident. Des mains mutilées. Il y a aussi des accidents qui sont liés à des projections. On parlait de l'usinage et des copeaux, les yeux, projections dans les yeux de copeaux, on en rencontre. Alors, Bon, on peut citer un cas d'accident, par exemple, qui donne lieu à une analyse. Alors, c'est une main mutilée sous une presse. Et évidemment, ça se produit juste en fin de. C'est un atelier qui fonctionne en équipe, donc ça se termine, le travail se termine à 14 heures. L'accident est intervenu un quart d'heure avant. Je cite là l'article qui relate cet accident dans l'Écho des Métallos. À un quart d'heure de la fin de la journée, l'accident arrive, plusieurs raisons. Alors les cadences, la machine va tellement vite. Dans les premières heures de la matinée, le cerveau suit. Après quelques heures de travail, c'est terminé. Les gestes sont automatiques, le cerveau commande moins bien et l'accident peut ainsi mieux survenir. Le travail devient une routine. La journée trop longue. Pour le travail en normal, donc en normal, c'est les horaires sur la journée qui ne sont pas en équipe. pour le travail en normal, mais aussi pour celui en équipe, car là, il y a le samedi. Non, les femmes, avec tout le travail à la maison, les soucis, ne peuvent travailler dans des conditions normales et décentes en faisant 45, 48 ou 50 heures. Avec le temps de transport, cela fait de drôles de journées et on dit que les femmes sont nerveuses. La nécessité de faire sa paix. Quand on ne fait pas les cadences, on n'a pas son salaire. Je bourre parce que je veux arriver à faire ma journée, j'ai des étourdissements. Souvent en rentrant chez moi, en montant les escaliers du métro, je titube. Je suis comme une femme ivre. Je ne suis pas une femme malade, mais j'ai les nerfs usés. Le médecin ne dit pas vous êtes malade, il dit vous êtes crevée. Pour les femmes travailleuses, c'est le surmenage perpétuel et à un quart d'heure de la sortie, alors qu'il vous manque 200 à 300 pièces pour y arriver, un incident mécanique survient. On met la main sous l'outil pour aller vite, plus vite, pour y arriver. Et c'est l'accident. On a des maux partout, dans les bras, dans les jambes. Bien peu ne souffrent pas de la colonne vertébrale. Toutes avons des rhumatismes. À la découpe, 5 000 pièces à l'heure, 45 000 dans la journée. Et puis dans cette autre chaîne, le bruit des soufflets qui vous fait encore 2 ou 3 heures après le travail, comme des nuées d'oiseaux dans les oreilles. Bon, il y a énormément d'articles de ce type à chaque fois qu'il se produit un accident. Sur le thème des cadences, évidemment, et de la journée trop longue. Le problème de la longueur de la journée de travail et du temps de travail, c'est la première revendication exprimée. C'est donc le retour aux 40 heures qui était pratiqué, mais qui ne l'est plus, qui est réclamé, et l'avancement de l'âge de la retraite pour les femmes. Elles demandent la retraite à 55 ans au lieu de 65. Le thème de la double journée et du travail le samedi, c'est vraiment quelque chose qui revient absolument à partir de 1900, du début des années 60. C'est quelque chose de récurrent. Le travail du samedi, le sixième jour, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Et donc réduire la journée, supprimer le samedi, c'est quelque chose qu'on réclame sans arrêt et où on a un petit peu l'impression que les syndicats, enfin la CGT en particulier, utilisent vraiment pour obtenir une réduction générale du temps de travail le cas des ouvrières. C'est vraiment. Alors, c'est le thème de la double journée. Ce qui est frappant, c'est à quel point on veut leur diminuer leur journée de travail, mais néanmoins pour qu'elles arrivent à tout faire, qu'elles continuent à en faire toujours autant. C'est que pas une seule fois, on aura la suggestion que peut-être on pourrait repartager autre chose différemment, et le travail domestique en particulier. Et ça, c'est vraiment, c'est jamais, jamais, jamais, quoi. Il faut qu'elles arrivent à tout faire, il faut absolument s'arranger pour qu'elles puissent faire tout le travail à la maison, s'occuper des enfants, faire les courses, etc. Effectivement, quand on travaille le samedi et qu'on a des journées qui sont rallongées par du temps de transport, bien souvent, je me demande comment elles faisaient. Franchement, c'est vraiment les mères de famille, parce qu'il y en avait, bon, il y en avait quand même, qui avait une journée de travail plus 2 heures de transport, c'était quand même un cas très très fréquent, et qui travaillait le samedi, ou une partie du samedi. C'est tout à fait effrayant. Bon, il faut bien voir que sur ces années 50 et 60, l'équipement électroménager, c'est pas encore génial, hein. Il n'y a pas de congélateur, les lave-linges, ça arrive, mais pas partout. Donc je pense que c'était vraiment une condition extrêmement difficile. Et que la réduction du temps de travail, effectivement, c'était une des premières revendications, on comprend. Autre problème, c'est tout ce qui est, on en a déjà un petit peu parlé, tout ce qui est formation, qualification, carrière. Il n'y a absolument rien pour les ouvrières. Hein. Alors, bon, quand il y a des cours du soir, bah, c'est des cours du soir, donc ça commence à 18h30. Bon, ça concerne surtout les employés, hein, c'est les employés, mais à 18h30, c'est pas possible, quoi. On revient sur ce problème de la longueur des journées et de ce qu'elles assument en plus sur le plan domestique. Il est bien évident que ces cours, s'ils sont accessibles aux hommes aussi bien qu'aux femmes, bah, les femmes ne peuvent pas y aller, quoi. Les carrières, alors donc, du coup, bah, ça reste en bas de l'échelle. Bon, théoriquement, il n'y a pas de différence. Le salaire, l'abattement du salaire féminin, il a été supprimé très vite, en 1946, mais après, tant que les femmes sont cantonnées dans les plus bas niveaux de la hiérarchie, donc OS majoritairement, bah, les salaires sont très bas. Et dans leur cas, ne vont pas être, dans le cas des hommes, dans certains ateliers, il y a un certain nombre de primes qui s'ajoutent, de pénibilité, d'atmosphère, etc., tendant à compenser un peu certaines conditions de travail, qui ne vont pas jouer dans le cas des ateliers de femmes. Donc les femmes employées au caoutchouc réclament la prime d'atmosphère, je ne suis pas sûre qu'elles l'aient obtenue. Donc, bon. Conditions vraiment sans promotion aucune, donc entrée OS à l'usine et y demeurant OS. Alors dans ces années 60, il faut vraiment attendre, je trouve, assez tard pour que réapparaissent bon, des revendications qui soient plus strictement ciblées sur les femmes. Et en 66, dans l'Écho des Métallos, apparaît une petite rubrique qui s'appelle le billet de Micheline. Alors, l'Écho des Métallos, c'est le journal de la section Renault du Parti communiste. Donc, le billet de Micheline, c'est la première fois qu'il y a une rubrique consacrée aux femmes. Le tout premier sujet, ça va être le problème de la retraite. D'ailleurs, c'est tout à fait conforme à ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est le portrait d'une ouvrière qui aspire à atteindre la retraite. Le reste des sujets sont la réduction du temps de travail. On y revient. Toujours. Alors là, je vous ai. On n'a pas le temps de le regarder maintenant, mais vous regarderez le texte, le deuxième texte. C'est le billet de Micheline de février 67, Les femmes agissent. Et en fait, ce qui est mis en avant là, c'est très lucidement que, bon, il y a 20 ans, la régie était à la pointe du progrès. Donc 20 ans, ça nous ramène à 46-47. Et puis que tout ce qui a été conquis à ce moment-là, et qu'après, bah, il s'est plus rien passé, quoi. L'essentiel des mesures favorables dont nous bénéficions ayant été acquis à la libération. Alors, sortie anticipée des femmes enceintes, journée des mères de famille, etc. Donc, en 20 ans, pratiquement aucun progrès dans le domaine qui nous concerne. Donc, il y a eu une avance, il y a eu des choses obtenues à la libération, et depuis, ça a stagné. Et c'est effectivement bien l'impression que ça donne. Donc, vous regarderez ce texte. Alors, donc mouvement revendicatif dans le cadre d'une chose beaucoup plus générale, hein, au niveau de la CGT sur la réduction du temps de travail, les égalités de rémunération et de promotion, etc., l'abaissement de l'âge de la retraite. Il y a des journées qui sont consacrées à ça en 67, le 8 et le 9 avril. Il y a deux journées qui sont organisées au niveau de la CGT auxquelles participent les travailleuses de la régie, avec adoption d'un manifeste réclamant la suppression des injustices et des inégalités subies par les travailleuses. Donc tout ça se passe en 67. Surviennent les événements de mai 68 et très curieusement, après les événements de mai 68, le billet de Micheline disparaît complètement de l'Écho des Métallos. Alors il y en a un qui revient en juillet 68, c'est assez amusant. C'est un scandale parmi tant d'autres, le prix dépêche à la production et à la vente. Le dernier billet de Micheline, c'est ça, en juillet 68. Alors, ce qui apparaît à la place du billet de Micheline dans les numéros suivants, c'est le coin des jeunes. Voilà. Donc la question des femmes est évacuée à ce niveau-là, au niveau de l'écho des métallos dans ce journal. Tout comme c'est évacué vraiment de façon caricaturale, la voix de l'usine Renault. Alors ça, c'est un autre journal syndical qui est enfin c'est le vrai journal syndical de la CGT, fait sortir un magazine supplément après mai 68 qui s'appelle 33 jours, 34 nuits. Donc c'est un reportage photo dans l'usine. Emmanuel, tu le connais, j'imagine. Il y a 32 pages. Il faut arriver à la dernière page, au dernier quart de colonne, pour voir évoquer les femmes. Bien sûr, les femmes étaient là. Voilà, c'est la dernière page dans le texte, c'est ça. Bien sûr, les femmes étaient là. Et il y a 8 lignes, quoi. C'est vraiment assez effrayant. Il y a deux photos, et de ces deux photos de femmes, il y en a une où deux femmes sont en train de faire la vaisselle. Et une photo de manif où on voit des femmes. Mais c'est quand même assez rude, hein. Voilà, bon. Donc après, il faut attendre le milieu des années 70 pour que renaissent une action collective féminine. Et voilà, je pense que si Emmanuel, tu veux bien enchaîner en greffant ton parcours sur ce que je viens de dire, si c'est possible. Bon, c'était un peu impressionniste, hein, ce que j'ai fait, mais ça va se compléter.